équerre grand, moi, am na équerre yu mag yu ci nek, 24, 24 paquets, 24 pièces, yani, équerre yu ki ni, bu ngande. Boobu benn bi mi ngi ma dikkee 71 francs CFA, équerre yu ngande yi. 24, 24 moo nekk ci biir au total. Équerre yi ñu ngi ci bind Queen, Q-U-E-E-N, Queen. 71 francs CFA.